के टल्ली है सारे आज टांग उठा के Bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, bonjour Mélanie, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bon, vous entendez du bruit de fond, c'est normal, on vous fait un épisode bonus en étant à l'extérieur, puisqu'on vient de sortir du musée du Quai Branly, où on est allé voir l'exposition et ben Bollywood Superstar, donc samedi 28 octobre, voilà. Et puis, on a déjà fait un petit débrief posé dans le café du musée avec nos petits chocolats chauds et nos croissants. Donc, on a un petit peu entamé déjà les discussions, mais on s'est dit qu'il fallait quand même vous faire un petit retour. On va peut-être tenter au début sans trop spoiler, et puis après, peut-être avec un peu plus de détails. Donc, pour info, en termes d'informations pratiques, parce que ça peut toujours être bien pour vous. L'entrée du musée, en gros, en tarif normal, c'est à 12 euros. Et il y a la possibilité de prendre des audioguides. Donc, on a fait les deux parcours. Un parcours pour Mélanie sans audioguide. Un parcours pour moi avec audioguide. Comme ça, on va pouvoir vous dire si ça vaut le coup ou pas de les prendre. Et globalement, en prenant vraiment tout notre temps, on a mis 1h30 à faire le tour de l'exposition. Donc, c'est plutôt rapide comme expo. C'est pas très grand. En termes de fréquentation, bah, ça va, je trouve qu'on se marche pas trop dessus. Non, ça a été, ouais. Il y avait pas trop de monde, donc ça allait. On a pu voir tout ce qu'il y avait à voir tranquillement. Très bien. Du coup, sans trop spoiler globalement, Mélanie, quel serait ton avis sur cette exposition ? Ah, alors sans spoiler, c'est très dur. En quelques mots. C'est très beau. Mais aussi très superficielle et pas assez recherchée. Est-ce que tu as eu besoin, est-ce que tu as ressenti le manque d'un audioguide? Est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider? Ou est-ce que sans audioguide, tu trouves qu'on a ce qu'il faut en info? Alors moi, j'ai trouvé que sans audioguide, ça allait. Après, c'est vrai que l'avantage que j'ai et que toi aussi tu as, c'est qu'on s'y connaît déjà un petit peu en cinéma indien. Donc ça a été. Mais c'est vrai que je pense que pour les personnes qui n'y connaissent rien, un audioguide, c'est peut-être pas trop. Mais du coup, toi, qu'en as-tu pensé de l'audioguide, Julie ? Je l'ai bien aimé. Je l'ai pas regretté. Alors, il est quand même à 5 euros. Nous, on a pu l'avoir en tarif réduit. Et d'ailleurs, les gens n'ont pas du tout regardé qu'on l'avait pris en tarif réduit. Donc, ça se trouve, vous pouvez gruger. C'est pas qu'on le conseille, mais non, ma foi. L'audioguide est pas mal dans la mesure où, en fait, c'est vraiment un audioguide qui vient compléter votre visite et non pas la vivre de façon audio. Ce qui, quelque part, est un peu embêtant parce que je sais pas si pour les personnes malentendantes ou les personnes qui ont des problèmes de vision, qui sont malvoyantes, voilà, ou qui ont une déficience visuelle, s'il y a moyen de vivre l'expo un peu mieux, parce que mine de rien, on est sous des éclairages un peu tamisés, ce sont quand même des petits panneaux, pas forcément très bien écrit. Moi, je me suis souvent rapprochée beaucoup pour réussir à lire. Oui, c'est écrit petit, c'est vrai. C'est assez écrit petit, donc je ne sais pas, suivant votre vision, bah, c'est un peu dommage du coup s'il n'y a pas de format peut-être un peu guidé. Mais dans les faits, cet audio guide, il vient surtout compléter et pas à toutes les étapes ou tous les objets que vous voyez dans l'exposition. C'est vraiment sur certains points clés. À chaque fois, c'est des petits ajouts de 2 minutes 30 en moyenne. Donc ça fait pas perdre trop de temps en fait quand on se balade, et ça fait pas doubler votre temps de balade dans l'exposition. Vraiment, ça, j'étais pas très loin derrière Mélanie à chaque fois quand je me baladais avec. Donc voilà, ça vient quand même rapporter un peu d'informations, surtout que c'est raconté par les gens qui ont fait l'exposition. Donc ça peut être pas mal si vous aimez bien avoir un peu plus de détails, parce que comme l'a dit Mélanie, globalement, sur le coup, on en sort en étant assez contente, parce qu'on se dit, c'est pas souvent qu'il y a un événement autour de Bollywood, ça fait quand même plaisir, et c'est quand même le cas. Mais en vrai, si vous avez l'habitude d'écouter nos épisodes, si vous avez l'habitude de regarder du cinéma indien, de vous être intéressé au cinéma indien, bah en fait, ça laisse beaucoup sur notre fin. Ouais. Y a vraiment des lacunes. C'est assez superficiel et surtout, gros point négatif, ça vient en fait beaucoup renforcer les clichés qui existent sur le cinéma indien, et ça, c'est vraiment gênant. Du coup, on va pouvoir rentrer dans la partie spoiler. Tout à fait. Bon, alors du coup, partez maintenant si jamais vous voulez aller faire l'expo. Est-ce que quand même on la recommande ? Oui, quand même je la recommande. Ne serait-ce que pour la boutique. Et on a craqué à la boutique, forcément. On est obligé. Non, en vrai, c'est, moi, je vous recommande quand même de la faire, même si vous y connaissez bien en cinéma indien. Je suis contente de l'avoir fait. Elle est très belle, visuellement parlant. La muséographie et la scénographie sont superbes. J'ai bien aimé les couleurs et les lumières. C'est assez chaleureux. Mmh. Et ça donne envie de continuer parce qu'il y a un côté très immersif avec les décors qu'ils ont construits. Donc, j'ai bien aimé, ce côté-là. Et en fait, même si je suis un peu déçue, il y a quand même une partie de moi qui a envie de la refaire, mais tu sais, juste pour se balader dans les décors parce que j'ai trouvé ça assez, dernier assez point, beau. Sans spoiler. Il y a beaucoup, ce qui est assez appréciable. En fait, il y a déjà pas mal de projections de films. Donc ça, c'est très sympathique sur des assez longues durées. Donc ça permet de voir en belle qualité des films de toutes les époques. Il y a beaucoup d'iconographie. Donc ouais, c'est très agréable aussi de voir beaucoup d'illustrations, des statues, de livres. Aussi. On a des statues aussi, pas mal. Voilà, de statues. Il y a du des objets d'époque, époque. 16e notamment, je pense à l'époque moghole. Donc voilà, il y a quand même, c'est très diversifié en termes, on va dire, de support. De continu, ouais. C'est ça qui est bien. T'as des écrans, t'as des iconographies, t'as des statues, t'as des costumes. Donc ça, c'est appréciable. Voilà. Bon, écoutez, si vous voulez aller voir l'expo, il est temps de quitter cet épisode bonus. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus ou peut-être qu'ils l'ont déjà vu et avoir notre avis, on va attaquer la partie spoiler. Alors, Mélanie, on va le faire en format top et flop. Je te laisse rentrer dans le détail de tes tops, parce que finalement, je pense que nous avons plus à dire sur les flops. Malheureusement, oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière de top, c'est très beau. C'est très, j'ai adoré l'esthétique de cette exposition, le fait, comme on l'a dit, qu'il y ait plusieurs supports, c'est hyper appréciable. Moi, j'ai adoré me balader dans ces décors, ça fait un petit peu rêver, tu te sens bien dedans. Le fait qu'il y a une petite musique tamisée, c'est chouette. Évidemment, vu qu'il y a des écrans qui diffusent des films, il y a de la musique et la plupart du temps, c'était des musiques que nous, on connaît et qu'on apprécie. Attendez, ça démarre avec quoi, s'il vous plaît? Ils ont trollé Julie. Ça commence avec un extrait de la famille indienne. Voilà, Kavi Kushi, Kavi Gam. Non, mais j'arrive, là, on approche. Et on entend. Voilà, Karan Johar dès le début est là. Et on termine avec Karan Johar aussi, d'ailleurs. C'est vrai. L'histoire de Karan. Vraiment, le tout dernier truc de l'expo que vous voyez, c'est une petite vidéo de Shah Rukh dans la famille indienne. Moi, j'étais ravie, forcément. Hein, évidemment. Shah Rukh qui nous regarde de son petit regard coquin, là. Ok, donc ça, c'est pour tes tops. Ah si, enfin, j'en ai quand même d'autres, faut pas abuser. Mais effectivement, le fait que ça se passe en 1h30, c'est assez appréciable. Vraiment, comme tu as dit, on a pu prendre notre temps. Et je pense qu'une heure et demie, c'est une bonne moyenne pour une exposition. Parce qu'après, si ça avait été plus long, au bout d'un moment, tu satures et t'en as marre. Je pense que ça peut être une porte ouverte aussi pour les gens qui connaissent pas forcément le cinéma Bollywood et qui veulent s'y intéresser. Mais bon, le problème, c'est que pour les gens qui connaissent pas forcément et qui s'y intéressent pas forcément, ça va pas peut-être non plus les forcer à s'intéresser parce qu'ils peuvent rester dans les clichés qu'ils ont déjà. Mmh. Du coup, j'enchaîne. Fait tes top et puis on va continuer sur les points positifs. Alors, en fait, on a à peu près les mêmes parce qu'on a discuté dessus. Moi, j'ai adoré effectivement la mise en scène, la scénographie. L'ambiance est assez cool. Bon, cliché quand même, mais assez cool. Je veux dire, voilà, on a des formes, on a des grilles avec un style un peu moghol à certains moments. On a des écrans parfois qui sont au plafond, mis un peu dans tous les sens. On a des très grandes affiches de films. Je pense notamment ceux des années 70 avec Diwar, avec Cholet. Donc c'est assez cool. On a beaucoup du coup de projections de films et ça c'est très sympa parce que du coup t'entends la musique, tu vois des très beaux extraits, c'est en bonne qualité. Ils ont même fait des effets un peu kaléidoscope dessus, qui vient appuyer leur propos. Donc voilà, vraiment la mise en scène est quand même vraiment cool. C'est vrai que c'est pas trop long, mais du coup, en fait, tu as raison, ça reste assez superficiel. Mais bon, ça peut être. En fait, c'est une porte pour les néophytes, oui et non, dans la mesure où ça vient quand même conforter. Les clichés et les impressions et je trouve que ça s'est ressenti notamment dans la boutique. Je sais pas si t'as fait attention un peu à ce que disaient les gens dans la boutique, les petites mamies, tout ça. D'ailleurs, j'ai pensé à ceux qui avaient envie de DVD. Il y avait un coffret DVD avec Padmavat et Bajirao Mastani. Donc si jamais vous les voulez en bonne qualité, ils sont là. Moi, j'avais envie d'acheter plein de bouquins, mais tu vois, t'avais des gens qui qui du coup étaient un peu sur leur faim. Il y a des mamies qui ont regardé justement le coffret. En fait, j'y ai pensé parce qu'elles ont regardé le coffret. Ils étaient un peu en mode, oh non, ça a l'air un petit peu pas à l'ancienne, mais enfin ça les inspirait pas, tu vois. Ça inspire pas, ouais. Et du coup, tu fais ça laisse un peu en demi-teinte. Ouais. J'ai quand même un dernier top, c'est que on a tout de même appris des choses. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. On a quand même appris des choses, notamment en fait le début de l'exposition revient sur les débuts du cinéma avec le kaléidoscope, la petite boîte à images et tout ça. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu les prémices du cinéma en Inde. Et en fait, il t'explique aussi que le cinéma, il est beaucoup basé sur la religion, sur les amours entre les dieux, sur la danse. Mais ça, j'en reparlerai dans les flops aussi. Mais voilà, il faut quand même mentionner qu'on a appris des choses. Ce oui, qui est bien quand on fait une expo. Ouais, surtout nous. Je suis assez d'accord qu'on apprend quand même des petites choses. Tu as raison, notamment sur les origines du cinéma. Alors, on en avait un peu parlé, nous, mais je pense notamment surtout au système de ce qu'on appelle les lanternes magiques, voilà. Au premier système de faire du cinéma itinérant ou de comment raconter des histoires avant que le cinéma existe. Avec les conteurs ambulants. Voilà, avec les hôtels de, justement qui servent à raconter l'histoire, qui servent de support. Et on l'a dit, en fait, finalement, la diversité des supports sur lesquels ils travaillent, savoir bah, toute l'iconographie qui est vraiment très présente, ça c'est chouette aussi de voir des choses assez diversifiées. Donc voilà. Mais pour des personnes comme nous, qui en plus avons fait tout un article sur la chronologie, l'histoire du cinéma indien, sur exactement les mêmes périodes et même plus loin que ce qu'a fait l'exposition, eh ben c'est un peu frustrant, c'est-à-dire que si vous avez déjà lu ce qu'on avait mis donc voilà sur les 100 ans du cinéma Bollywood, si vous avez suivi nos épisodes, bah du coup c'est un peu frustrant parce que c'est assez limité, ça oublie beaucoup de pans très intéressants du cinéma. Et bon, bah Mélanie, je te laisse partir plus en détail, aller dans les flops et dans ce qu'il manque. Alors, moi je trouve que si les gens ne s'y connaissent pas en cinéma indien, ils vont vraiment croire que le cinéma indien, c'est Bollywood. Déjà. Au tout début de l'expo, il y a quand même une petite carte, mais cette carte est vraiment dans un coin, elle est presque cachée. T'as une carte de l'Inde avec les différents cinémas indiens, donc ils te marquent Bollywood, Hollywood, Tollywood, Mollywood, tatata, mais en fait sans t'expliquer ce que c'est. Genre, ils te marquent pas, attention, Hollywood, c'est en tamoul, Mollywood, c'est en malayalam, pardon, Bollywood, c'est en hindi. Ou alors, moi, j'ai pas fait gaffe, mais non, c'était pas marqué, on est d'accord. Non. Et en fait, ça reste très superficiel. Donc, moi, je pense que les gens qui n'y connaisseraient en cinéma indien, ils vont sortir de là en se disant, le cinéma indien, c'est que du Bollywood. Ce qui est vraiment dommage, c'est, il aurait fallu faire un espèce de disclaimer, tu vois, à l'entrée en disant, attention, c'est que surtout du cinéma indie. Surtout qu'à la fin, tout à la fin de l'expo, dans plusieurs portraits affichés, en plein milieu, il y a Rajinikanth qui pop au milieu de nulle part et tu fais, mais, rien à voir en fait. Qu'est-ce qu'il fout là du coup? Quand ça a pas été expliqué, quand ça a pas été présenté, tu te dis bah des fois on te met des. Alors il y avait des extraits de films. Film tamoul aussi un moment. Il y en a eu un qui était marathi. Oui. Et en fait comme c'est mélangé, tu fais bah c'est gentil, mais du coup on n'est plus dans le corpus du cinéma indie. Bah ouais, c'est exactement ça. Donc en fait on comprend pas trop ce que ça vient foutre là tout d'un coup au milieu. Je trouve que ça a pas de sens. Et en fait on a l'impression que l'expo, elle a été faite par des gens qui sont pétris de clichés concernant le cinéma indien. Et c'est vraiment dommage. Par exemple, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents thèmes qui sont abordés au travers de l'expo en disant « Ah mais regardez, le cinéma Bollywood, il va s'inspirer de ces thèmes-là. » Sauf que les thèmes, c'est la religion, les amours des dieux, la danse et l'histoire. Enfin l'histoire. Les Moghols. La petite histoire. La petite histoire. Vraiment, juste un pan de l'histoire de l'Inde, qui est quand même un pays qui est très ancien, qui a une histoire qui est très riche, très longue. Et ils vont s'intéresser, genre, au Rajput ou au Grand Moghol, et c'est tout. En gros, de quoi vendre Padmavat et Bajirao Mastani. Mais c'est exactement ça. Et en fait, tous les extraits de films qui sont présentés, à chaque fois, c'est des histoires d'amour ou des trucs liés à la religion. Donc en fait, on a eu des extraits de Mughal e Azam, de Padmavati, de Bajirao Mastani, ou Oumdil de Chukesanam. En fait, à chaque fois, c'est que des histoires d'amour. Et t'as l'impression que le cinéma indien, ce n'est que ça. Et à la toute fin de l'expo, une espèce de rétrospective avec genre les grandes figures du cinéma Bollywood à partir des années 70. Donc on te présente Amitabh, Rekha... évidemment, il y a Shah Rukh et Kajol avec Didier Lj. Enfin, Mais déjà, cette rétrospective, pardon, elle s'arrête à 2010. Et à chaque fois, les extraits qui montent, c'est que des scènes de danse et de chant. Et en fait, t'as l'impression que le cinéma indien, ça se résume à ça avec eux. Ouais. Et c'est tout. Et tu ressors de là, bah, t'es super frustré. Tu dis, mais c'est où le reste? C'est, enfin, ils parlent pas de films d'horreur, de thriller, de comédie, de films un peu noirs, genre comme Andadoun, de films féministes. En fait, tout le reste du cinéma indien a été zappé et t'as l'impression que Bollywood, c'est que ça. C'est que des clichés, des histoires d'amour avec des gens qui chantent et qui dansent pendant 3 heures. Et comme, en fait, ils prennent des clips alors qu'ils sont très beaux, mais qui en plus sont mis au ralenti, mais t'as l'impression que les films ont l'air un peu chiants et redondants. Parce que, en gros, comme ils ont pris que la filmo de Bansali quasiment, bah, et comme le mec, il aime bien repomper ses idées et faire globalement toujours la même chose. Et en plus, ils te le mettent en parallèle avec Mughal et Azam. Tu dis, excusez-moi, mais les gars, vous faites tout le temps les mêmes films. Je veux dire, même, à un moment donné, ils ont pris un extrait de Cholet, ils ont trouvé le moyen de prendre une scène chiante. Mais ouais. Dans Cholet. Alors que Cholet, c'est un film qu'on avait vraiment apprécié toutes les deux de mémoire. Et là, l'extrait qu'ils ont pris, moi, tu m'aurais présenté ça, je t'aurais dit, mais j'ai pas envie de le voir, ça a l'air trop chiant. Ouais. Et c'est dommage. En fait, ils auraient pu prendre une scène de bagarre, un petit peu coup de poing, tu vois, mais là, mais pas du tout. D'ailleurs, en parlant de Cholet, excusez-moi, pourquoi dans la boutique Souvenir, ils nous ont vendu des tote bags avec Cholet, mais écrit avec un C. Au lieu du S, ouais. On a bugué, on a fait ah, un tote bag sur Cholet, et là on voit Cholet écrit C-H-O-L-A-Y, je fais bah non. Et en vrai, il aurait été avec un S, je l'aurais peut-être pris. Ouais. Mais là ça m'a cassé le truc, j'étais bah non, vas-y, j'ai pas envie. Et voilà, et vraiment, peut-être que je me répète, hein, je suis désolée, mais cette expo, on a vraiment l'impression qu'elle a été faite par des gens qui connaissent pas grand-chose au cinéma indien et qui sont pétris de clichés et qui ont ressorti tous les clichés. Ils ont occulté vraiment une grande part du cinéma indien. Moi, je me disais, c'est chouette, peut-être que c'est une expo qui va montrer aux gens que le cinéma indien, c'est plus que les clichés qu'on a sur Bollywood avec la chant, les danses, les histoires d'amour à 2 balles qui durent 3 heures. Et bah, pas du tout. Donc, en fait, pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui veulent découvrir le cinéma indien, je pense que ça ne fait que renforcer les clichés qu'ils peuvent avoir dessus. Et j'ai dit beaucoup trop de fois le mot cliché dans cette phrase, je suis désolée. Mais c'est le cas un peu de l'expo. Alors je te rejoins pour reprendre un peu les grandes lignes. Effectivement, on a un problème sur la chronologie. Ça s'arrête à 2010. Et tu te dis, excusez-moi, mais du coup, il y a une décennie qu'il manque dans le cinéma. Oui. Donc effectivement, t'as pas les films féministes, t'as pas les films noirs. Alors visiblement, Anurag Kashyap n'existe pas. Hein. Il y a que Karan Johar et Sanjay Bansali qui existent. Oui, et Satyajit Ray. Sauf que c'est du cinéma bengali. Donc c'est bien gentil, mais c'est pas trop le rapport non plus. Et du coup, alors je comprends bien qu'ils peuvent pas tout raconter parce que oui, c'est très très dense. Mais le problème, c'est que du coup, c'est très superficiel. Je veux dire, on te dit c'est pas creusé. Une expo qui s'appelle Bollywood Superstar, on ne t'explique pas et on ne te parle pas vraiment des stars. On te montre Amitabh, mais on te dit pas qui c'est. On te parle pas des Mamalini, on te parle pas de Dharmendra, on te parle même pas de la dynastie des Kapoor, qui est quand même la dynastie d'origine du cinéma. Je comprends pas, on te parle pas plus que ça de Shah Rukh. On te met superstar, donc tu t'attends à ce qu'on t'explique que c'est un peu la folie furieuse, on t'attend à ce qu'on te montre le népotisme, ou ne serait-ce que les fans devant la maison de Shah Rukh à chaque anniversaire, la folie, ou le fait qu'ils ont quand même des carrières internationales, d'être au Festival de Cannes. On a quand même Aishwarya qui a été ambassadrice au Festival de Cannes. On t'en parle pas du tout. Où est le côté superstar? Tu ne le vois pas du tout. Bah, en fait, leur côté superstar, c'est la toute vidéo à la fin, celle dont on a parlé tout à l'heure, où ils te font la rétrospective depuis les années 70 jusqu'au début des années 2010, mais ils te montrent que des extraits de films avec les grandes stars de ces époques-là. Et le problème, c'est que comme du coup, ils ne sont même pas un tout petit peu analysés, ces extraits de films. Non, on t'explique pas. Il n'y a pas de contexte. Donc, t'as vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, l'impression que c'est toujours le même sujet, à savoir des romances chantées, dansées, et puis c'est tout. Il y a un extrait de Mr. India avec Shri Devi, avec la fameuse chanson du air sex. Mais du coup, mis comme ça, hors sujet, t'as juste l'impression de voir une folle dingo qui danse sous la pluie. Je me suis dit, les gens qui regardent, ils doivent se dire, putain, ils sont chelous, ces Indiens. Mais il n'y a pas de contexte. Qu'est-ce que tu veux comprendre? La logique et la symbolique qui se cachent derrière, tu la comprends pas du tout. Et sur le pan historique, ça va pas du tout non plus. On te parle jamais de colonisation de période coloniale avec le Raj britannique, son influence, le cinéma de propagande pour tenter... Avec Sikandar, par exemple. Sikandar, pour permettre de renverser le système. Bien sûr. Les films dans les années 30 avec la marche du sel avec Gandhi, etc. On te parle pas de Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, on n'attend même pas à ce que ça parle, comme nous on l'a fait, de Seconde Guerre mondiale, de nazisme, ne serait-ce que du cinéma soviétique. Alors là, c'est beaucoup trop... Ouais, même pas trop compliqué pour eux. Même pas en rêve qu'on le verra. Mais et puis, même sur le cinéma récents. Admettons, ils n'aient pas eu le droit d'exploiter des films récents. Qu'est-ce qui les empêche quand même de parler? Padmavat, c'est récent quand même. Ah bah oui, 2017. Donc, 2017, ouais, 2018, donc c'est pourquoi hyper récent. Pourquoi on ne parle pas du schisme qui existe en ce moment dans le cinéma entre la partie nationaliste propagandiste et la partie qui se rebelle un peu, la partie féministe et du cinéma indépendant? On t'en parle pas, on te montre, et tu dis ça parle de religion, mais au final on te dit, on t'explique pas les mythes en fait, sans doute. On te parle pas, alors on t'explique pas les mythes. Ouais. On te parle pas non plus de films qui pourraient montrer les tensions religieuses entre les différentes communautés. On te parle pas vraiment d'islam, on te parle pas vraiment d'hindouisme. C'est vraiment très superficiel. Non, c'est juste des iconographies ou des statues, genre voilà, ça c'est Krishna enfant, ça c'est Sita. Ça c'est Ravana, ok, oui, mais qui sont-ils? Quelle est leur importance dans la religion hindoue? Pourquoi et comment est-ce qu'on les exploite dans le cinéma? Quel message on veut faire passer à travers des films lorsqu'on parle de religion? Même juste comment on les représente de l'illustration à, ah si, il y avait un extrait d'un film qui doit dater des années 50-60. On voit les dieux qui sont représentés. Mais c'est pareil, il y a pas de contexte en fait. Bah ouais, tu vois, en plus ils nous mettent des extraits de Rawan. Ouais. Bah c'était l'occasion de nous montrer Ravan d'un côté, parce qu'il y a un très grand masque de Ravan qui est très beau à voir, mais ils auraient pu mettre à côté sa représentation version moderne dans le film avec Shah Rukh pour montrer que c'est quelque chose qui perdure et qui évolue. Enfin, franchement, c'est un peu bah c'est pas creusé, c'est un peu frustrant quoi. Ouais. Il y a juste un moment où ils ont parlé de Patan, mais c'était sur un des panneaux, quasiment à l'entrée de l'expo, je crois dans la troisième salle, où ils te parlent du coup de l'importance des chants, de la musique. Des clips. Des clips, voilà. Et ils te disent, souvent les clips, ils sont diffusés avant la sortie du film pour donner envie aux spectateurs d'aller le voir au cinéma. Par exemple, Patan, quand ils ont sorti le clip Jumejo Patan, il a fait genre 10 millions de vues 30 minutes après sa sortie sur YouTube. Point. Ok. Merci. C'est ça. Et donc du coup, ne cherchez pas Ranbir, Alia, Arjun, Varun, la jeune génération n'existe pas, hein. Kriti Sanon, c'est mort. De toute façon, même les anciennes générations, je trouve qu'elles sont très mal représentées. On voit pas Abhishek, on voit pas Hrithik, on voit pas... Non mais je veux dire... Si, il y a un extrait de Jodha Akbar, on le voit un petit super, peu. Ouais, super, super. Non mais on voit pas John, on voit pas... Même Amitabh. Amitabh, il y a une grande affiche et tout ça, il y a un petit coin avec des affiches promotionnelles, genre de Cholet, ce genre de truc. Mais c'est tout. En fait, on t'explique pas que cet homme-là, ça a été une icône à partir des années 70, qu'il a eu une très grande influence sur le cinéma indie. Et genre, il est là. Ok, mais si tu connais rien, tu dis, mais qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il est représenté partout? Pourquoi est-ce qu'il a eu son importance dans le cinéma indie? Tu sais pas, en fait. Ouais. En fait, il te donne quelques personnes comme ça. Genre des stars du cinéma indien, et c'est ça leur truc Bollywood superstar. Il y a des petits panneaux quand même où ils expliquent un petit peu leur vie, mais basta quoi. Il y a pas vraiment de clé de compréhension, parce que quand on est arrivé sur le cinéma des années 70 et qu'on est arrivé sur Cholet, il y avait un tout petit encart pour nous parler d'Amitabh en disant que c'est avec lui qu'est arrivée la vague dont on avait parlé de l'Angry Young Man. Mais c'est tout, et en fait on te dit pas plus que ça. D'où ça vient en fait ce mouvement-là dans le cinéma, du fait que ça vient du contexte politique, que ça vient de la période d'Indira Gandhi et de toute son j'ai plus le mot, je veux dire avec son couvre-feu et tout, c'est la période de... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Le mot ne veut plus venir là tout de suite. Moi non plus du coup. Mais ça manque de mise en contexte, même pas grand-chose. On vous demande pas de faire une thèse ou un mémoire sur le sujet, mais vraiment. Ça manque, il y a des grands pans qui manquent. Voilà. Après, tu vois, c'est pas pour nous vanter, mais l'article que t'avais fait sur 100 ans de cinéma indien, je veux dire, c'est 10 slides que t'as fait sur Canva. Et c'est simple, c'est synthétique, c'est compréhensif. Et tout est représenté à ce moment-là sur 100 ans de cinéma indien. Et là, ils sont pas capables de le faire dans une exposition à cette échelle. Donc, c'est un peu dommage. Et vraiment, j'ai pas retenu les noms des gens qui ont fait cette expo-là. Mais pour moi, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris le cinéma indien, j'ai l'impression. Peut-être qu'on a tort, hein, mais après, peut-être qu'ils ont eu des directives en disant non, faut pas aller trop loin, politiquement, c'est compliqué, gna gna gna, je sais pas. Ah, mais clairement, c'est apolitique as fuck. Hein. Ah oui, il y a zéro, faut vraiment, tu sens que c'est l'expo qui veut faire zéro vague. Ça veut pas aborder la politique ni passée, ouais, ni actuelle. La religion, pas trop trop non plus. Ah, quand même, si je trouve que la religion, Non, parce qu'on te dit, d'ailleurs, je me suis dit, les Indiens n'auraient pas accepté cette expo, parce qu'en gros, on nous dit, la période moghole, c'est l'âge d'or de l'Inde. Ah oui. Donc je me suis dit, oulala, Narendra Modi n'aurait pas approuvé cette expo, parce que vraiment, on te fait une partie sur toute la représentation de la période moghole au cinéma, ouais. Et on te dit vraiment que c'est l'âge d'or de l'Inde, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est tolérant, c'est nanani, c'est nanana, et je me suis dit, waouh, ils y vont quand même tranquilles sur leur prise d'opposition, quoi. Ouais. Mais en vrai, ça partait bien, tu vois. Parce que tu vois, parler de religion, d'un certain pan de l'histoire, je me dis, voilà, c'est cool, comme ça, t'as le contexte. Tu sais pourquoi certains films ont été faits. Enfin, les films de Bansali, même Mughal et Azam, Jodha Akbar. Tu sais que ça s'inspire de l'histoire, d'un pan, enfin, tout du moins d'un pan de l'histoire de l'Inde, et c'est super intéressant de voir l'histoire représentée au cinéma. Là, je suis d'accord, mais effectivement, j'ai l'impression de radoter à mort, hein, je suis désolée, mais vraiment, c'est pas suffisant, quoi. Et au final, tu dis, mais c'est tout. Enfin, vous creusez pas le sujet, là. Il n'y a pas que ça dans le cinéma indien. Dans le cinéma indie, puisque c'est consacré que Bollywood. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, ils te mettent un extrait de film tamoul. Tu comprends pas pourquoi. Je pense que c'était pour illustrer genre les différents types de danse. Ok, je veux bien. Mais dans ce cas-là, t'appelles pas ça Bollywood Superstar. Surtout qu'il y a des endroits, c'était frustrant, parce que par exemple, on te montre des tenues pour, par exemple, le Kathak. On en a parlé récemment, oui, avec Rocky Orami. Tu dis, c'est le moment de projeter juste à côté une danse Kathak. Oui. Non. En fait. Et genre, ça manque pas dans les films. Peu importe la décennie que tu touches. Bah. Et, ouais. C'est, c'est frustrant. C'est frustrant. Parce qu'en plus, je trouve que c'est même pas comme si on était vraiment pointilleuse sur certains aspects, c'est que vraiment je trouve que c'est beaucoup trop light, trop, c'est même pas vulgarisé, parce que du coup c'est cliché. En fait, moi je m'attendais à une exposition qui déconstruirait justement les clichés en disant aux gens, écoutez, vous avez ça comme image du cinéma Bollywood, mais en fait c'est beaucoup plus que ça, et au final ça te conforte dans tes clichés. Après, c'est beau, hein, à voir. Vraiment, moi, j'ai quand même apprécié. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça très joli. Mais quand tu ressors, moi, je suis ressortie. Je me suis dit, ah, c'est déjà fini. C'est ça, le truc. Ça se termine vraiment comme ça. Et en vrai, j'avoue qu'encore une fois, au final, c'est même pas autant découpé que l'article que j'ai pu faire sur le cinéma. C'est-à-dire que on te parle même pas de la période orientée socialisme, avec, il y a même pas Mother India, je suis en train de capter. Il y a pas Mother India. Mais c'est vrai. Dans les films. C'est vrai. C'est genre, il y avait pas Mother India, t'as raison. Et donc il y a pas du tout toute la partie socialisme d'une certaine vague autour de Mother India qui était là pour représenter une certaine période et un certain chamboulement post-indépendance. Mais je vous le dis, on voit pas la différence entre du cinéma sous colonisation, du cinéma post-colonisation, les changements culturels et politiques qu'il y a pu avoir. Attends, il y a pas Fearless Nadia. Ah, c'est vrai? Elle y était pas. Il y a même pas le cinéma muet. Il y a pas le cinéma muet. Alors non, quand ils ont parlé de cinéma muet, c'était pareil au tout début, je crois, dans la deuxième salle. C'est pour te dire que ça doit être les films genre de 1910, un truc comme ça, où ils te disent, ah, regardez, les premiers films, c'est des films qui te racontent la religion hindoue, tu vois, genre la naissance de Krishna et tout ça, et basta, quoi. Oui, c'est pour parler du tout premier film, celui de... Voilà. De ma part, 1913. Oui, c'est ça. Qui était le tout premier, mais bon, on t'en parle, mais on le voit pas. Mais je suis désolée, pardon, mais Fearless Nadia, c'est genre la plus grande figure du cinéma indie des années 20 jusqu'à 30. Oui, mais en fait, ils te disent à un moment, ouais, l'âge d'or de Bollywood, les années 40-60. T'es là, ouais, mais ça fait quand même 20 ans. Mais on voit pas Raj Kapoor, pardon, mais... Si vite fait. Très vite fait. Non, on voit une affiche d'Awara. Ouais. Voilà, super, l'affiche du film, pour dire Raj Kapoor et son style Charlie Chaplin. Ouais, et en fait, le truc, c'est qu'en 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Il y a une grande évolution dans le cinéma indien, dans les années 40 à 60. Notamment, bah, il y aurait peut-être l'indépendance de l'Inde, voilà, qui c'est quand même un tournant après. Enfin, dans le cinéma indien, on a eu de films qui en parlent justement de cette indépendance. Ça a eu un gros impact sur le cinéma indien. Bah, ça, pareil, on t'en parle pas. Et en fait, l'exposition, ça tourne toujours autour du même thème. C'est soit les grands palais avec des beaux saris et tout ça. Pardon, mais le sport, c'est un des thèmes les plus récurrents du cinéma indien. On nous a montré vite fait 2-3 images de Lagan, mais c'est même pas pour nous parler du fait qu'il y a énormément de films autour du sport. Évidemment, le Pakistan n'existe pas. Pourquoi aborder tout ça, les terrorismes et tout. Bref, franchement. En fait, quand ils te parlent de Lagan, c'est juste pour montrer ensuite une scène de danse. Oui, et en plus, c'est même pas pour te dire, regardez, ils font une danse autour de Krishna et Radha. Tu vois les images, si tu les comprends pas, si tu sais pas les lire, tu sais même pas quel est l'intérêt de voir les images. C'est ça. Et, non, en fait, il manque plein de trucs et voilà. Ouais. Comme, j'arrête pas de me répéter, mais je leur ai dit, en fait, toute l'exposition, elle tourne autour d'un même thème. C'est genre des histoires d'amour avec des gens qui dansent et qui chantent. Et voilà. Et toi, t'es là, t'es en mode, c'est tout. C'est vraiment ça l'image que vous avez du cinéma indien. C'est dommage. Ouais. Parce que, nous, si on a fait le podcast, c'est aussi pour essayer de déconstruire ce cliché que tellement de gens peuvent avoir et ont toujours. Et en fait, si les gens ils vont voir cette expo, ils vont se dire, c'est ça le cinéma indien. Et toi, t'es là, t'es en mode, non, pas du tout. Enfin, quel intérêt de faire cette exposition? C'est venu casser tout notre boulot, en fait. Mais ouais, c'est exactement ça. Tout ce qu'on. Tu sais, on avait envie de sortir avec notre acte et faire, venez écouter ce qu'on raconte. Ouais. Donc je suis contente de l'avoir faite. Oui. Je regrette pas, mais quand même déçue. C'est voilà. Donc j'ai acheté l'affiche quand même à la boutique parce que je la trouve belle et un livre. Oui, et moi j'ai acheté quand même le bouquin de l'exposition. Parce que pourquoi pas, peut-être que un peu plus complet. À voir, mais pourquoi pas. Du coup, globalement, Mélanie, donc je pense qu'on est sur une note qui est en mode on est contente de l'avoir fait mais on est quand même déçu. Oui. La question c'est, est-ce qu'on recommande aux gens d'y aller? Ah là là, on l'a dit au début de l'épisode en plus. oui quand même, parce que c'est beau, c'est sympa. En fait, il y a des très beaux objets à voir, notamment il y a des objets qui datent du 16e ou 17e siècle. Donc il y a des très belles pièces qui sont conservées dans les collections et moi je trouve que c'est toujours impressionnant. Même plus anciennes années 20 avec notamment la lanterne magique qui fait une projection qui date des années 20 et puis les tout premiers objets qui servaient à faire de la projection du coup, parce que moi j'ai parlé d'objets du 16e 17e siècle. Oui, pardon. Je disais oui, alors alors Julie, 1920, il paraît que c'est après 1600. Donc en vrai, il y a des très belles pièces anciennes qui sont conservées. Ouais. Vous avez des ornements comme ça. En fait, ça peut te montrer aussi que le cinéma indien, il va s'inspirer de tenues très anciennes pour construire ses films. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quand même pas assez de costumes à mon goût. Non, il y a pas assez de costumes, ça c'est vrai. Donc c'est chouette. Donc moi, oui, je peux vous conseiller d'y aller, mais ne vous attendez pas à, si vous y connaissez en cinéma indien, ne vous attendez pas à apprendre beaucoup de trucs, quoi. Je pense que vous risquez d'en sortir déçu. Non, et puis même, je trouve qu'au niveau de la construction un peu chronologique, je trouve ça bizarre, je trouve que c'est pas forcément clair. Je sais pas comment dire. Ou pas très marqué. Oui, c'est ça, c'est pas forcément marqué. Effectivement, au début, ils te disent, oui, la lanterne magique, ta-ta-ta. Après, là, il y a de la danse, là, il y a de la religion. Après, tu passes au Mogol. Puis après, hop, on arrive en 70 avec Cholet, quoi. Donc, t'es là, t'es en mode, Parce que même l'âge d'or est pas du tout creusé. Je suis en train d'y réfléchir. On te dit, c'est l'âge d'or. Non, t'as juste un panneau. Avec Raj Kapoor, les années 50-60. Et en fait, t'as un pauvre couloir avec 6 affiches. Et un panneau explicatif. Tu passes à l'époque moghole et tu fais, ok. Oui, c'est ça. S'il y a un pain sur un réalisateur dont j'ai oublié le nom, qui parle, de cinéma indépendant. Mais j'ai oublié son nom, le pauvre. Ah non, mais pour, Satya Jitray. Oui, voilà. Mais c'est du cinéma bengali. Oui. Et du coup, après, là, tu passes au Mogol. Et après, t'as une grande pièce où tu peux voir des costumes, des miniatures, puis des extraits de Jodha Akbar, de Padmavat. Et après, tu passes à Amitabh dans Cholet. Et le petit film de fin avec les plus grandes stars des années 70 à 2010. Je pense que le meilleur résumé, c'est que quand on était devant la grande projection kaléidoscopique finalement du cinéma depuis le début jusqu'aux années 2010, les gens étaient pas trop réactifs. Et là, il y a eu Devdas et les gens font « Ah, Devdas !» Et là, tu fais « Ok, bah super !» Et encore dans cette grande rétrospective, ouais, c'est à partir des années 70, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Ils auraient pas pu commencer ça... Bah, dans les années 20. Ouais. Les années 20, même pas, c'est genre... En fait, c'est le passage qui s'appelle Bollywood Superstar, d'ailleurs. C'est la salle qui s'appelle Bollywood Superstar. Qui parle pas du tout. Qui te montre des gens, mais tu sais pas qui c'est. Qui te montre des gens qui dansent et qui chantent et qui sont amoureux. Et t'es là, t'es... D'accord. Et même les musiques mythiques, ils les ont pas ressorties, quoi. À un moment, t'as un extrait de DDLG, ils te mettent même pas le thème principal de DDLG. Excusez-moi, ils ont coupé Chamak Chalo au moment où ils avaient commencé à chanter Chamak Chalo. Ils nous ont mis juste l'intro musicale et moi j'étais à deux doigts, j'étais en train de me chauffer là. Je regardais Shah Rukh qui danse, j'allais démarrer Girl You're My Chaka Chaka. Et ben non. Et ils ont coupé, ils sont passés à un autre film. Je me dis, putain, vous faites chier. Mais surtout qu'en plus, bon, moi j'avais pas trop aimé Rawan, mais bref, je pense pas non plus que ce soit l'un des films les plus incontournables du cinéma indien. Elle me regarde trop mal, Julie. Mais tu vois, t'avais d'autres trucs qui pouvaient être utilisés, quoi. Il y avait pas Akshay Kumar, d'ailleurs. J'avoue, ils ont boycotté Akshay. Bon, ça, c'est pas grave. Mais... Bah, pardon, Akshay, dans les années 80, sous la pluie, avec son torse poilu et ses chemises blanches. Et oh. Par contre, à la toute fin, juste après le film, t'as des grands panneaux. Genre, t'as Shah Rukh, t'as Amitabh et tout. Dans leurs jeunes années, ils sont entourés d'une guirlande lumineuse et tout ça. Je pense, comme en Inde, mettent en avant les stars pour les films. Mais ça, c'est pas mal, tu vois. Ça, c'est cool, mais il y en a pas assez, pareil, déjà. T'en as quatre ou cinq, et ils te posent pas le contexte. Donc, t'es là, tu dis, mais qui sont ces gens? Genre, je l'ai vu sur l'écran tout à l'heure, ce type, mais qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est connu? Pourquoi est-ce qu'il est représenté ici? Et en fait, ça, comme tu dis, ça manque d'un panneau explicatif où on dirait, voilà, ça c'est Amitabh Bachchan, il est connu parce que ça, ça, ça, ça, ça. Ça c'est Kajol, elle est connue parce que ça, ça, ça, ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, alors, de mon côté, je recommanderais d'aller la voir simplement pour le fait déjà de soutenir l'initiative, oui. En me disant qu'on a quand même pas très souvent des expos autour du cinéma indien, au moins pour soutenir un peu le truc. Maintenant, si vous aimez, si vous êtes connaisseur, ça peut être sympa, mais ne vous attendez pas à grand chose. Je pense que de toute façon, ça révolutionne pas. Je pense que vous nous avez entendu, on est un peu frustrés et ça manque un peu de pour aller plus loin, tu vois. Il manquerait à la fin pour aller plus loin. Allez, nous écouter. Les meufs qui se mentent un peu. Mais on bref. On a pas eu d'invitation presse. On est déçus. Genre, franchement. Voilà, on aurait dû poser une pile de cartes de visite au milieu des trucs à acheter dans la boutique. Voilà, bref, c'était notre avis sur l'exposition. On espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à nous faire des retours dessus si vous la voyez. Et puis c'est la fin de cet épisode bonus. Voilà, bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, dites-nous si jamais vous faites l'expo, ce que vous en avez pensé. On est très curieuse aussi d'avoir vos avis. Exactement. Et où est-ce qu'on nous retrouve? Eh bien, on peut se retrouver sur Instagram, à Bollywood-versus, sur Twitter, XBV-podcast. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un petit mail à bollywoodversus@gmail.com. Voilà, en attendant, vous pouvez regarder Cendrillon, la version tamoule d'horreur pour Halloween, et écouter notre épisode dessus. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Non. Et non. Puis voilà, on se dit à la prochaine. Bye. Oh,